On se voile la face. Moi, je suis sensible dans votre propos et dans la lecture du livre à une double équivoque. Pourquoi votre livre ne prend-il pas en charge l'offensive idéologique dont vous parlez? Vous ne la prenez jamais en charge en tant que telle. En tant qu'elle est un élément décisif dans le projet de refondation de l'université. Et question corollaire, remettre l'université au centre du système d'enseignement supérieur et de recherche, c'est précisément le propos de Valérie Pécresse. Alors en quoi votre propos à vous, c'est central. Ça a été répété par Benoît Paré. C'est central. C'est un propos hypocrite. Je ne crois pas qu'on puisse juste dire cela. Moi, j'avais été très frappé à la rentrée 2009. C'est vous qui êtes aveugle. Parce que vous ne prenez que votre analyse, que je ne conteste pas pour ma part, je n'en ai pas les moyens. Mais on vous dit de plusieurs façons différentes ici que vous avez un axe et un seul et que vous ne prenez pas l'ensemble des éléments à prendre en compte. Vos propositions finales, elles sont très significatives de ce point de vue-là. Je ne pense pas du tout que ce soit hypocrite de dire qu'elle remet l'université au centre du système. C'est bien son intention avec une redéfinition de l'université. Nous sommes d'accord. Mais vous-même proposez de refonder l'université. Pourquoi faudrait-il refonder l'université plutôt qu'en conserver un certain nombre de principes auxquels nous tenons tous, après tout? Mais